Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes des étudiants en Master 2, Société Interculturalité, donc mes collègues et moi, Sylvie, Mélodie, Valérie, Henri et Roberto, et moi-même, Edith. Donc, dans le cadre du cours sur la collecte organisée à l'Université de Guyane en décembre 2016, nous sommes amenés à endosser le rôle d'enquêteur, et pour cela, nous avons besoin d'un témoin qui répondra à notre questionnaire. Donc, notre choix s'est dirigé vers vous. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre proposition.